Sing it high, sing it low. Shout it out, let them know. We're a light in the dark, united we are. Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Bonsoir à tous nos amis canadiens, bonsoir à tous nos amis martiens également, et bonsoir à tous les gens de l'univers. Ce soir, deux invités, enfin deux spéciales on va dire, une première partie concernant le 27e festival de Vouziers, et en deuxième partie nous recevrons le groupe, parce qu'ils sont venus en groupe, hein, ils sont venus en nombre, le groupe Attraction Theory, qui nous sort sa petite galette de décembre, enfin de d'hiver, sa petite galette d'hiver, oui, que vous pourrez découvrir ce soir avant d'aller les voir chez Gilbert Joseph pour la release party. Et ça, on vous en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on va vous dire ce que l'on a passé en début d'émission, mon cher Tom, bonsoir. Ouais, salut. Ça va ? Ouais, si tu t'entendais bien dans le casque, ouais, ça irait. Mais t'es loin, ouais, je sais pas où t'es, mais t'es loin. Voilà, donc nous avons commencé cette émission avec Helloween qui sera à Paris très bientôt et qui nous propose, pour présenter ce concert de réunification de tous les membres du groupe, avec trois chanteurs, Michael Kiske, Kai Hansen et également... Kai Hansen et également Monsieur Andy Deris, que vous retrouvez sur le morceau qu'on vous a passé qui s'appelle Pumpkins United. C'est un single pour l'instant, c'est sorti le 13 octobre chez Nuclear Blast. Le groupe sera donc, on va dire que c'est une grosse réunion au Zénith. Hein, ils seront là pour vous présenter un show unique, puisque ce sera Helloween et Friends. Et le concert est quasi complet, mais presque. Hein. Le groupe s'est créé en 1983 avec Kai Hansen au chant. Il a été remplacé par Michael Kiske par la suite et enfin par Andy Deris aujourd'hui. C'est du power mélodique et le groupe a environ 15 albums studio plus quelques lives et autres. Et vous les retrouverez donc au Zénith. Mon cher Tom, est-ce que tu as la date du Zénith, du concert du Zénith ? Ça doit être au mois de novembre, ça doit être le 15 novembre. Voilà, je t'ai bien aidé hein, quand même. Et ce que l'on entend en fond sonore, je vais te laisser le présenter puisqu'ils étaient nos invités il y a deux semaines. Oui, Dreamcatcher. Voilà. Avec le titre No Heaven, No Hell. Voilà. Oui. Et donc, l'album est sorti le 13 octobre dernier. Ils seront en release party au Dr. Feel Good le 21, c'est-à-dire après-demain. C'est ça, un samedi, voilà. Pour la sortie de Blood on the Snow. Et ne ratez pas, c'est pas le Dr. Feel Good, c'est le Dr. Feel Good des Halles. Oui, hein. Oui, t'as chopé les Halles. Parce qu'il y en a deux, donc c'est le Dr. Feel Good des Halles, c'est pas celui de Bastille. Ils seront avec Bomberhead. Voilà. Bomberhead. L'entrée est à 6€ avec une console. Bomberhead qui est en fait le groupe de tribute à Motorhead tenu par monsieur je vais perdre son nom, monsieur Trashback, hein, c'est Speedos à la batterie et au chant bien entendu. Nous allons enchaîner avec des nouveautés, des choses qui sont tombées cette semaine. On va commencer avec le groupe Hardcore Superstar qui nous donne un titre en exclu, on va dire, puisque l'album ne sortira qu'en 2018. Tiens, ça me rappelle des groupes, ça, qui donnent des titres en exclu et puis ils sortent l'album en 2018. Bah écoutez, hein, ça doit être preuve de qualité en tout cas. Hardcore Superstar, l'album s'appelle You Can Kill My Rock and Roll. You Can Stop My Rock and Roll. Eux, c'est You Can Kill. Donc, ok, très bien. On a noté le message. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle I've Have Mercy on Me. Ça sort le 13. Enfin, c'est sorti le 13 octobre chez Gain Music Record. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? C'est un groupe de glam rock, c'est un quatuor qui s'est formé en 1997, qui à l'époque était sur un fucking good label, puisqu'il s'agissait de Bad Reputation, le label de notre ami Eric Coubard, que l'on salue bien bas. Le groupe vient de Suède, de Göteborg exactement. Nous enchaînons ensuite sur une pure nouveauté trash death metal d'un groupe français qui nous vient de Quimper. Le groupe s'appelle Pictured et ils nous sortent un nouvel album qui s'appelle Death Bearer. Et qui est en EP en fait, c'est pas un album, c'est un EP 4 titres. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Sharp and Blood. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça sort chez Finisterian Dead End le 10 novembre prochain. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes un petit peu en avance. C'est un quatuor de death mélodique qui s'est formé en 2011, qui a sorti un premier album que nous avons vraiment adoré ici. Et si nous avions eu un peu plus de place sur le dernier Paris Metal France Festival, le groupe aurait participé. Donc je sais ce que vous allez nous dire, vivement le 7ème, et bien on va attendre. En tout cas, ce titre est vraiment excellent et on attend avec impatience le maxi 4 titres. Nous terminerons avec un groupe canadien. Bah oui, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas passé de groupe canadien, mon cher Tom. Il commençait à se dire, on va partir. Alors je te laisse les présenter, allez. C'est pour toi, celui-là. Nerfcast, le groupe, voilà, avec le titre Naked Unloaded. C'est un EP de 4 titres. On écoutera le titre Moonstrike. C'est un autoproduit. Ils nous viennent de Toronto. C'est un quatuor de trash. L'album sortira le 21 novembre, octobre prochain, c'est-à-dire après demain. C'est un peu pour les fans de Metallica des premières années. Ça ressemble à du Megadeth, du Iron Maiden. Ils seront en concert pour nos amis de Radio Biz avec plein de Z derrière le 21, jour de la sortie, samedi soir, à Toronto. C'est la release party et c'est au Bovine. Voilà, on a tout dit. On va vous donner le numéro de téléphone 06 81 01 28 34. Voilà, parce qu'il y aura quelques petites choses à gagner. On vous en dit plus tout à l'heure. Pour l'instant, on envoie la musique tout de suite sans plus attendre avec Hardcore Superstar. Oh, no! Black bitch, just by water. You're retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 sur Radio Biz. Avec Tom et Phil pour vous présenter cette magnifique émission qui va bientôt fêter ses 34 ans. Hein, et oui, oui, papy, il va fêter ses 34 ans. C'est 34 ans de métal au service de la radio ou de la radio au service du métal, c'est que vous le mettez dans le sens que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec les Suédois de Hardcore Superstar. Hardcore Superstar, Pitcher, Nervcast. Nervcast, les Canadiens et Pitchers, les Quimpérois. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe, bon, je ne sais même pas si on le présente encore aujourd'hui. Hein. Qui ADX Je crois que c'est ADX, voilà. Et là, on passe à MF Crew. Et là, on passe à MF Crew, bien sûr. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils seront en concert, un concert hommage à toutes les victimes du Bataclan de 2015. Et le concert aura lieu donc le 11 novembre à Paris, au Backstage Café, qui se trouve donc, c'est boulevard Rochechouart, si mes souvenirs sont bons. C'est métro, ça doit être en vert. Blanche. Blanche, métro blanche. Ouais, et en donc, vert, ça doit y mener, Pigalle aussi. Ouais, c'est surtout c'est le quartier. Quoi, voilà. Et ils seront accompagnés du groupe Rapture Farm, hein, qui ouvriront donc pour cette soirée. C'est une soirée, bien sûr, en hommage à toutes les victimes du Bataclan, comme je vous l'ai dit. Et les groupes joueront, je crois, le même temps, hein, pour cette soirée. Soyez au rendez-vous, on vous attend. Et la semaine prochaine, ou dans deux semaines, nous recevrons... Non, c'est la semaine prochaine, nous recevrons donc l'organisateur de cette soirée qui viendra nous en dire un peu plus. Pour l'instant, nous allons passer à la suite de la programmation avec la spéciale Vous y est Fest, 27e édition de cette magnifique rencontre avec les Ardennes, avec le Vousier Metal Fest. On peut peut-être baisser un petit peu le fond sonore, mon cher Tom, puisque nous allons avoir William, l'organisateur de cette... on peut appeler ça maintenant un rendez-vous, hein, annuel, le Vousier Metal Fest. Bonsoir à toi, William. Salut Phil, bonsoir tout le monde. Voilà, et donc 27 ans, c'est tout jeune comme festival. Parle-nous un petit peu de l'affiche que nous allons pouvoir découvrir cette année, qui est très anglaise, on va dire. Oui, on a décidé de faire un petit peu dans l'étranger. Oui, alors bien qu'on commence par deux groupes français, hein, les locaux de Gand qui sont nos amis de film, hein, dans la Marne. Ensuite, Manigance qui viendra du Pays Basque, comme tout le monde le sait. Ensuite, des Belges, Iron Mask, hein. Des Anglais, arrivent les Anglais, Tank, qui ne sont pas venus en France depuis 1984, ils étaient en première partie de Metallica à l'époque. Ensuite, les Grecs de Firewind, avec Gus G à la guitare, et puis Girl School et Venom Inc. Voilà, donc Venom Inc. Qui regroupe en fait tous les musiciens de Venom d'origine, sauf Chronos. Sauf Chronos, voilà, c'est ça. Donc on aura Abaddon, Mantas et The Demolition Man. Voilà, donc ne les ratez pas, parce que c'est pas non plus tous les 4 matins qu'on les voit en France. Donc ce sera la tête d'affiche de cette 27e édition du Vousier Metal Fest. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment on peut se rendre à Vousier lorsqu'on vient de Paris ou de la région, de la Champagne, des choses comme ça? Alors Vousier est une toute petite ville au milieu de la campagne, comme tu le sais, pour être venu plus d'une fois. Le moyen le plus simple, malheureusement, c'est la voiture, je dirais bien, parce qu'on n'a pas de gare, on n'a rien du tout. Donc effectivement, c'est la voiture, hein, forcément. Hein. On n'a pas beaucoup d'autres solutions. Alors, il y a la voiture, mais il y a également quelques hôtels quand même dans la région où les gens vont pouvoir venir peut-être la veille pour être sûr d'être là. Oui, à Vousier, il y a un hôtel, enfin, la veille, il n'y a pas de souci. Le jour du festival, à mon avis, il doit pas rester beaucoup de chambres. Voilà. Mais il n'y a qu'un hôtel à Vousier. Et l'avantage, c'est que des gens sont heureux d'y aller parce que ils dorment dans le même hôtel que les groupes. Et souvent, le matin, ils déjeunent à côté d'eux, quoi. Ce qui est plutôt sympa, quoi. Voilà, alors ça, préparez vos stylos, préparez vos pochettes d'albums. En tout cas, vous y êtes, c'est vraiment un festival où on peut rencontrer tous les groupes, discuter avec eux, où on peut faire dédicacer et acheter tout le merchandising que l'on n'a pas trouvé jusqu'à présent. On va parler du prix d'entrée de cette 27e édition du Vousier Metal Festival. C'est 35€ en pré-vente et sur place, 38. Voilà, il y a une buvette, bien évidemment. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut se restaurer sur place? Oui, on a la petite restauration habituelle, sandwich, croque-monsieur, des choses comme ça. Mais vous y êtes en tout petit, il y a des gens qui vont un peu plus loin, qui vont dans des restaurants, des pizzerias, des choses comme ça, qui sont très très près de la salle. En fait. Alors cette année, on a vu que c'était une édition assez tournée vers l'Angleterre. Il y a la Belgique également, il y a quelques bons Français, bien évidemment. Hein. Et surtout, et la Grèce, bien entendu. Donc ça reste quand même très européen, un festival très européen. Mais on a vu que déjà est annoncée pour 2018 une magnifique affiche 100% française pour l'instant. Alors est-ce qu'il y aura des groupes étrangers ou est-ce que ça va rester 100% français ? Mon idée est de rajouter une tête d'affiche étrangère, un petit peu comme on avait fait en 2015 à Métropole. Pour l'instant, il n'y a aucun groupe de confirmé. J'attends, on a encore du temps de toute façon et peut-être qu'on trouvera une bonne proposition qui pourrait être très sympa. Quoi. Voilà. Très bien. Alors pour l'instant, on peut déjà rappeler les groupes qui ont été cités. Donc des groupes habitués déjà de Vouziers, plus une grosse surprise puisqu'il y a une reformation qui a eu lieu cet été. Et qui va apparaître donc au Vouziers Metal Fest l'année prochaine en 2018. Oui, c'est Titan, hein, que je suis allé voir d'ailleurs au Pyrénéen Festival à Perpignan. Et bah oui, c'était l'occasion ou jamais, hein, parce qu'il se reformait, donc forcément bah, j'ai sauté sur l'occasion tout de suite. Même si leur idée n'était pas forcément de refaire beaucoup de concerts au départ, mais je pense que le concert du mois de septembre leur a bien plu, et puis qu'ils se sont dit bah, pourquoi pas en faire quelques-uns, quoi. Hein. Bon, en tout cas, bravo. Donc sur l'affiche, on pourra retrouver Blasphème, Vulcain, ADX, Killers, dans ce que je me souviens. Est-ce que j'en oublie ? Square, Attentat Rock. Oui. Et Demon Eyes aussi, qui revient une nouvelle fois, on va dire. Quoi. Oui, oui. Une nouvelle reformation de Demon Eyes, avec les membres d'origine ? Oui, oui. Enfin, pas tous. Il y aura les deux frères maçons, bien entendu, qui sont là. Quoi, c'est surtout eux. Je pourrais être honnête, je ne connais pas le nom du batteur et du bassiste, et je ne sais pas qui c'est exactement, mais c'est surtout les deux frères, hein, Phil et Thierry Masson, qui sont là, bien sûr. Phil voilà. Et Thierry, très bien. Voilà. Eh bien écoute, William... D'ailleurs, dans 15 jours, à l'édition 2017, d'ailleurs. Bon, bah très bien. Alors nous, on essaiera de venir parce que, comme tu le sais, on est la veille en Bretagne. Ouais. Hein, et donc, il va falloir qu'on fasse le voyage pour arriver le plus tôt possible pour venir à cette 27e édition du Vouziers Metal Fest. Je voulais donc parler des groupes que l'on va écouter tout de suite maintenant, sans plus attendre. Mais avant ça, on va vous donner quand même le numéro de téléphone qui est le 06 81 01 28 34. Afin de pouvoir rafler une invitation pour aller au Vouziers Metal Fest. Attention, 27e édition, hein, on parlera de la 28e l'année prochaine. Il y a une question ? La question, est-ce que tu aurais une question ? Oula, tu m'en poses comme ça, brûle pour point, je ne sais pas. Quelle était la tête d'affiche l'année dernière ? Hein ? Je réfléchisse. Non, mais elle est simple, quelle était la tête d'affiche l'année dernière ? Oui, bah voilà, c'est parfait. Voilà. La tête d'affiche 2016, c'est parfait. Tête d'affiche 2016, vous nous envoyez au 06 81 01 28 34 le nom de la tête d'affiche de l'année dernière et vous raflez une place pour aller au Vouziers Metal Fest 2017. Oui, moi je vais me mélanger dans les années. Nous allons donc maintenant partir en musique avec Venom Inc. tiré de l'album AV, le dernier album sorti cet été, puisque c'était le 11 août dernier, et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Dying Flesh. Le groupe s'est formé en 2015 sous cette version-là. Ils nous viennent de Newcastle en Angleterre. C'est un premier album qui contenait 11 titres, qui contient toujours 11 titres. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est Abaddon, Mantas et The Demolition Man qui officient sur ce Venom Inc. Nous enchaînerons ensuite avec Girls School, tiré de leur album Guilty as Sin, sorti en 2015 chez UDR Music. Le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Take It Like a Band. Et c'est un CD qui contenait 10 titres dans sa version dans sa version normale et dans sa version édition limitée. Deux titres supplémentaires, ceux du heavy rock féminin 100%, tiré de la New Wave of British Heavy Metal. Le groupe s'est formé en 1975 au Royaume-Uni, à Londres. Le groupe grec Firewind qui suivra, tiré de leur tout dernier album Immortals. Le morceau s'appelle We Defy. Eh ben, on attend que ça. Hein. Sorti chez Century Media en janvier 2017, l'album contient 10 titres dans dans sa version normale et dans sa version édition limitée, un titre bonus supplémentaire, celui Power Melodic, formé en 1998. Ils nous viennent d'Athènes et nous terminerons cette première partie musicale du Vousier Metal Fest avec Tank, les Anglais de Tank, tiré de leur tout... Non, c'est pas le dernier album, c'est un album qui date de 2013 qui s'appelle Breath of the Beat. Et c'est le titre T-34 qui sera présenté ce soir, sorti chez Soul World Records. L'album contient 10 titres dans sa version normale, 2 titres supplémentaires dans sa version édition limitée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? C'est un quintet tiré de la New Wave of British Heavy Metal également, formé en 1980 au Royaume-Uni, à Londres. Voilà mon cher William, on te salue bien bas, on te remercie pour ton intervention et on te dit à samedi dans 15 jours maintenant. Ouais, dans 10 jours, oui. 10 jours, oui, 10 jours. Et on espère que cette nouvelle édition du Vousier Metal Festival affichera complet comme la dernière. La dernière, c'était ça, hein, c'était complet. Les deux dernières étaient complètes, oui. Voilà, donc on ne déroge pas à la règle et on reste complet pour cette 27e édition. Merci encore à toi, William, et à très bientôt. Merci, Phil. Allez, à plus. Bientôt. Bye bye. Salut, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. On envoie tout de suite Venom Inc. Become Retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rockfort Show, tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, il est bientôt 20h30 ici en France. Nous saluons Radio Biz et tous nos amis québécois et canadiens. Dragon Force, pourquoi on vous les passe? Tout simplement parce qu'ils ont sorti un nouvel album cette année, mais pas seulement. L'album s'appelle Reaching Into Infinity. Il contient 11 titres plus de bonus pour la version limitée, sortie chez ERR Music en mai 2017. Le sextet de power mélodique formé en 2001 au Royaume-Uni, à Londres plus exactement, sera en concert samedi soir à la Maroquinerie. Alors je me suis renseigné, la Maroquinerie a réouvert et donc les concerts reviennent à la Maroquinerie puisqu'on m'a dit que le concert de Dragon Force n'était pas annulé. Il y aura Twilight Force en ouverture. Sachez d'ores et déjà que le concert est complet. Nous allons continuer sur... Il est complet et t'as pas de place à gagner. Non, pas sur celui-là puisque le concert est complet. Donc, mais par contre, nous avons des places à gagner pour la 27e édition du Vousier Metal Fest qui aura lieu donc dans 10 jours. Ce sera le samedi 28 octobre. Et nous allons donc continuer avec un groupe belge qui s'appelle Iron Mask, tiré de leur dernier album qui s'appelle Diabolica. Qui est sorti le 14 octobre 2016 chez AFM. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle I Don't Forget, I Don't Forgive. C'est le sixième album du groupe, il contient 12 titres, et c'est du power mélodique, inspiré et calqué sur Monsieur Yngwie Malmsteen, en tout cas pour le guitariste. Il a même le pendentif, vraiment... Enfin, je trouve que c'est un petit peu un manque de personnalité flagrante, mais bon, ça joue pas mal. On les a vus en Belgique il n'y a pas très longtemps. Le groupe s'est formé en 2002 et ils nous viennent de Bruxelles. On passe un grand bonsoir, bien évidemment, à nos amis de Drakkar, avec qui nous avons joué il y a fin du mois de septembre. Nous enchaînerons ensuite avec les Palois de Manigance. Manigance, dont on attend le nouvel album qui devrait sortir en 2018. Et qui se nomme Machine Nation et qui contiendra 12 titres. Pour l'heure, il s'agit de l'album Volteface, le dernier en date du groupe. Le titre, c'est Le Mirage, sorti chez Vericord en 2014. Le groupe s'est formé quand ? Il s'est formé, bien sûr, en 1995. Et ils nous viennent de Pau. Et ils nous font du métal mélodique. Nous enchaînerons et nous continuerons et nous terminerons cette programmation du Metal Vousier 27e du nom festival par Gang, groupe français de film qui nous a sorti un petit titre de Derrière les Fagots, live à la Spirale à Film. Et le titre s'appelle Another Tomorrow et c'est enregistré en live. C'est une autoproduction bien évidemment, c'est du heavy metal très teinté British of Heavy Metal bien entendu. C'est formé en 1990, on vous laisse les écouter. On vous rappelle le numéro de téléphone 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour aller au 27e Vousier Metal Fest. On envoie la musique, c'est parti, 06 81 01 28 34, Tom c'est à toi. That's morceau s'appelle Another Tomorrow. Toujours à l'écoute du Rock for Show sur Radio Biz et vous êtes en train d'écouter D-Lane. Nous venons de finir la programmation du Metal Vous Y Est Festival et vous pouvez toujours nous appeler au 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler une place pour aller voir donc le 27e édition du Vous Y Est Metal Festival qui aura lieu le samedi 28 octobre avec 7 groupes à l'affiche, on vous les rappelle. Venom Inc, Firewind, Girls School, Iron Mask, Manigance, Tank et Gang. Voilà, je pense que j'en ai oublié aucun. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est Dylane qui sera en concert la semaine prochaine, hein, c'est ça. Et puis, ils ne seront pas tout seuls, puisqu'ils seront accompagnés de Cellar Darling, plus un autre groupe. Dylane qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Moonbather. 11 titres chez Napalm Records, c'était en 2016, juste avant ça, ils avaient sorti un EP, tiens, c'est marrant ça, un EP pour présenter en fait cet album. C'est du heavy sympho à voix féminine. Le groupe s'est formé en 2012, ils nous viennent des Pays-Bas, et ils seront donc en concert le 26 octobre à Paris, à l'Ambra. Nous n'avons pas de place à vous faire gagner, puisque je crois que le concert est quasi complet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dedans, en fait, vous allez retrouver monsieur. Comment il s'appelle déjà c'est Marco, voilà, c'est Marco Yatala, c'est ça, comme ça qu'on prononce, ma chère Constance? Le chanteur. Bonsoir, Constance, bonsoir. Monsieur Didier Chéneau, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, puisque vous allez intervenir dans la foulée de Dylane, une fois que j'aurai réussi à me dépatouiller avec les invités qu'il y aura donc sur ce concert de Dylane, puisqu'ils ne viennent pas tout seuls. Elles viendront avec pas mal d'invités sur cette tournée qui s'appelle Danse Macabre. Danse Macabre Tour, exactement. Voilà, donc un concert à ne pas rater, où vous pourrez retrouver justement certains musiciens de Attraction Theory que nous recevons maintenant. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Attraction Theory, enfin un EP 6 titres qui sort très prochainement, parce que c'est un petit peu une sorte d'avant-première, puisque le EP sort officiellement le 24 octobre. C'est-à-dire dans une semaine. C'est ça, en pré-release chez Gibert, mais il va être disponible en bac début novembre, aux alentours du 3, quelque chose comme ça. Enfin, Season of Mist, normalement, nous distribue vers le 3, quelque chose comme ça. Et lors de la release, donc le 24 chez Gibert, est-ce que les gens pourront quand même en acheter Oui. Oui, bien sûr. Mais il n'y a que chez Gibert. Ils vont avoir, en tout cas, le 24, il sera disponible que chez Gibert. Voilà, et chez Gibert et... Hey, ce soir dans le Rock for Show également. Ah, aussi. Hein, puisque ce soir nous allons vous diffuser déjà 3 titres en intégrale, hein, de ce nouveau EP dont vous allez nous parler. Déjà, comment s'est construit le groupe, comment s'est formé le groupe Attraction Theory, autour de quoi, autour de quel musicien, parce qu'il y a des têtes connues quand même dans ce groupe. Ah ouais, ouais, on a pu les découvrir au Paris Metal France Festival. D'ailleurs, on vous remercie encore une fois de nous avoir donné la primeur, le premier concert d'Attraction Theory. En plus, sur scène, il y avait un membre supplémentaire. Un petit, ouais. Il était assez discret. On n'a pas encore entendu les vocalises, hein, du monde supplémentaire. Crois-moi, nous, on les entend bien. Voilà. Mais quelques jours plus tard, il a pointé la tête et maintenant, ça chante à la maison. Ah, ça fait des vocalises, ouais, je crois qu'on élève des dauphins, en fait, par moment. C'est ce qu'on se dit, tellement c'est impressionnant. Alors, comment s'est formé autour de quelle ossature s'est formé le groupe Attraction Theory? À la base, on a monté le projet avec Constance. Et en fait, c'est aussi une des raisons du groupe. On a tous fait différents projets avant on a commencé par écrire les chansons avec Constance. Et dans l'idée que, vu que c'était un premier album, on pouvait se permettre de pas forcément figer la formation, en tout cas au départ, et en tout cas pour les titres. Et on a fait les titres, on a commencé à discuter avec les amis, avec les gens, on dit tiens, sur celui-là, on verrait bien un tel ou un tel, et voir qui avait envie de participer à ce projet. D'où Attraction Theory aussi. On a effectivement vu des gens avec lesquels attirer. On avait déjà travaillé. sur l'album, il y en aura d'autres encore. Et on aura des amis qui vont participer aussi à cet album. Et il y a évidemment Christophe Babin, mon fidèle compère depuis des années, avec lequel on a fait plein de projets, qui dit mais il est hors de question que je reste de côté sur cette histoire-là. Donc il était là. Il y a John Macaluzzo, avec qui on devait déjà travailler à nombreuses reprises, en fait, initialement, avant que malheureusement Arc se sépare. J'étais censé produire le dernier album de Arc, enfin celui qui devait sortir après Blandosson. Donc on se connaît depuis cette époque-là. On avait déjà dû faire d'autres projets ensemble qui n'avaient pas abouti. Et bon, quand il a entendu parler de ça, il envoie-moi les titres. titre. Elle dit bon, bah ok, moi j'ai envie de faire ça. Et puis voilà, le groupe s'est construit comme ça, avec des connaissances. Et puis voilà, donc là maintenant il y a effectivement un noyau et puis ça va continuer d'évoluer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre déjà un premier titre de l'album. Enfin, j'allais dire l'album. On peut dire un album parce que c'est un EP quand même, 6 titres. Mm-hmm. Donc il y a quand même de la matière à découvrir sur Principia, puisque c'est ainsi qu'il se nomme. Comment se nommera l'album ? Est-ce que ce sera Principia 2 ? C'est pas encore déterminé. On va voir. Ça va dépendre un peu de la teneur des textes. Mm-hmm. Mais non, ça sera pas Principia 2. Très bien. Alors, j'ai choisi dans la facilité. Premier titre, Attraction Theory. Le groupe s'appelle Attraction Theory. On prend le titre éponyme. Hein, et on se dit, dans ce titre-là, normalement, ils ont tout mis ce que pouvait représenter Attraction Theory. Eh bien, méfiez-vous, parce que je crois qu'il y a d'autres facettes que vous allez pouvoir découvrir dans le reste de l'émission. En tout cas, on commence tout de suite avec Attraction Theory. Attraction Theory. Yourself. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show avec nos invités Attraction Theory, tiré de leur dernier EP, premier EP d'ailleurs, hein, six titres, c'est une belle carte de visite, Principia, c'est le titre du EP, qui sortira chez Season of Mist le 24 octobre prochain. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est un autre titre qu'on ne diffusera pas ce soir en entier, qu'on vous laissera le plaisir de découvrir lorsque vous aurez le EP entre les mains. Et peut-être, est-ce que ce titre-là sera joué en acoustique lors de la release le 24? Évidemment, chez Gilbert Joseph. Bien sûr. Très bien. Combien de titres? Combien de temps chez Gilbert? Une petite demi-heure. Ouais, une petite demi-heure. Donc on rappelle, ce sera en acoustique, donc des versions totalement inédites. C'est ça. Hein, puisque vous avez pu voir quelques titres lors du PMFF, mais surtout lors du dernier Fertois Rockin' Fest. Alors qu'est-ce que vous en avez ressorti? Qu'est-ce que vous en avez analysé de cette première vraie prestation, on va dire? Puisque le PMFF, c'était une vraie prestation. Oui, non, parce que vous aviez eu plus de temps. Comparé au PMFF, vous étiez sur une petite scène où il y avait, c'était vraiment des conditions spartiates, on va dire. Mais ça nous a fait extrêmement plaisir. Surtout, on a été ravis par l'humilité dont a fait preuve le groupe et John Macaluso, qui est plutôt habitué à jouer sur des scènes un peu plus volumineuses. Et donc voilà, on revient sur le Fertois Rockin' Fest. Quelles ont été les sensations au sortir de la prestation? Bah, plutôt positive, un bon accueil en tout cas. Et vous avez joué sous le soleil? Ouais, alors ça. Ça a été super. Ouais, on a eu un bon accueil et puis je pense que les gens ont apprécié. Donc, en tout cas, les retours qu'on a eus ont été très positifs et plutôt encourageants pour la suite. C'était quelque chose qui vous tardait quand même de présenter les titres en live réellement. Comment se sont passés? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de séances de répétition, de choses comme ça pour préparer ce deuxième concert? Non, il n'y a pas eu beaucoup de répètes parce que déjà du fait du placement géographique de tout le monde. Donc voilà. Mais oui, ça nous tardait de les jouer puisqu'on les avait joués nous en studio, on savait qu'il fallait de toute façon, on avait envie de voir le retour et puis on voulait faire des concerts avant d'avoir la sortie physique de l'EP, voir les gens, ce qu'ils pensaient des morceaux. On préférait qu'ils découvrent le groupe sur scène que directement avec le disque. Donc oui, c'était une bonne entrée en matière et puis bon, le festival était vraiment vraiment super. Il a pour une première très, très édition bon accueil aussi, de la part de toute l'équipe. Vraiment. Alors comment va s'articuler un peu l'album? Là on a le EP qui va sortir, les gens vont découvrir un petit peu les trois titres qui ouvrent cet album. Il y a deux versions alternatives, on va dire, hein, qui se trouvent en fin d'album, plus la reprise que vous avez présentée et dont on a vu depuis pas mal de temps maintenant sur Facebook, sur Internet et autres, qui s'appelle Two Friends de Michael Field. Comment va s'articuler cet album? Parce que là, c'est une carte de visite, hein, on l'a bien compris. Est-ce que l'orientation musicale, en fait, va être orientée plutôt chant féminin tel que ça a été fait dans le monde du métal symphonique, ou plutôt rock, ou est-ce que ce sera quelque chose de vraiment très varié? On se met pas de barrière, en fait, on se met pas de limite, hein. Enfin, faut d'abord savoir que au départ, on voulait faire un projet, enfin une musique plutôt accessible, enfin plutôt, on était parti plutôt sur quelque chose de pop, de rock, et puis en fait, au fur et à mesure, ça a évolué, et puis tu connais l'expression, hein, chasser le naturel, rivette au grand galop, et là on s'est dit ouais, allez, on va mettre plus de guitare, plus de batterie, et plus, et puis en fait, t'arrives à ce résultat là, et donc Donc je pense que ça va évoluer plus dans ce sens-là, ouais. Alors on sent justement sur la production, bon, c'est que Didier, on ne le présente plus comme producteur quand même du M2 Studio, mais on sent quand même qu'il y a un gros, gros, gros travail qui a été fait sur les guitares. On sent un son vraiment très moderne. Comment avez-vous orienté vers ce style-là? Est-ce que c'était quelque chose qui était bien défini, on fait quelque chose de très moderne qui colle à l'actualité d'aujourd'hui. Je pense pas que ça soit défini. Enfin, il n'y a pas eu un cahier des charges en se disant ouais. Tiens, on va aller dans telle ou telle direction. C'était plutôt l'inverse. C'est qu'on vraiment a vraiment pour dire la réalité, c'est que la plupart des titres ont été composés déjà à l'acoustique, voilà, et avec Constance. Voilà. Donc il n'y avait pas d'histoire de gros sons, etc. Parce que ce qu'on voulait avec ce groupe, c'est effectivement ne pas se mettre de barrières et se dire on peut aussi bien jouer en acoustique comme on va le faire la semaine prochaine, comme on l'a déjà fait tous les deux quand on a rodé un petit peu les choses, parce qu'effectivement officiellement le groupe est assez récent et on vient de faire des concerts. Maintenant officieusement on a déjà fait pas mal de choses avec Constance, on était déjà parti à l'étranger, on a déjà joué des titres, on avait déjà rodé certains morceaux comme ça, dans une manière très très épurée, et on voulait pouvoir dire voilà, c'est un groupe qui paradoxalement, même si effectivement la production c'est plutôt mon domaine, mais on avait envie de ça, c'est de se dire voilà, il peut y avoir la géographie, une esthétique comme ça très très produite avec un son qui est actuel. Le son actuel, on va dire que c'est juste la manière dont, en l'occurrence, j'ai envie de jouer des guitares au jour d'aujourd'hui, quoi. C'est je suis effectivement pas un nostalgique, encore moins dans le son. Là pour l'instant, moi je suis assez dépendant des guitares que tu me donnes. Tu me donnes une Telecaster, je joue du blues. Tu me donnes acoustique, je joue de l'acoustique. Tu me donnes une 7 cordes, je joue moderne, quoi. Donc je suis très très dépendant de l'instrument et du son dans lequel j'ai. Et je voulais pas qu'on se bride d'aucune manière et de se mettre dans un carcan. Parce que bon, après on vient tous de formations qui ont eu une petite carrière, etc. Et on voulait se dire voilà, on s'ouvre quelque chose pour faire de la musique et pas trop se verrouiller dans quelque chose de particulier sans être dispersé. Mais dire, mais c'est aussi la raison, on t'a bien résumé, l'EP, il y a des versions alternatives parce que voilà, c'est ce qu'on veut. C'est de dire, bah tiens, on peut surprendre les gens, leur faire un titre très heavy et faire de la BO de film ou quelque chose complètement épuré en acoustique et pouvoir les surprendre. Voilà, et puis on ne sait jamais, hein, si un jour vous êtes en vacances près d'une région où il n'y a que des guitares acoustiques, bah vous pouvez entrer dans un bar et faire les appels bœufs, hein, parce que ça, c'est pas loin de la vérité. Hein, c'est ça, c'est ça le truc. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est plus ou moins passé aux États-Unis. Ouais. Voilà, vas-y, raconte. Ça nous intéresse. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'en fait, on est parti à la base pour le NAMM, le NAMM Show, qui est un salon de la musique américain qui a lieu deux fois par an, donc une fois l'été, une fois l'hiver, et donc on est parti à la base pour le Summer NAMM, et on s'est retrouvé à jouer les titres au milieu de Clarksdale, la ville emblématique du Crossroad, et quand tu vois que tu joues comme ça des morceaux qui sont pour le coup pas connus de qui que ce soit, et que tu vois des purs bluesmen rentrer dans le magasin et te demander ce que c'est et si on est libre pour jouer, on y retourne au mois de janvier. Donc ça, c'est une affaire qui roule. Ouais. Donc Attraction Theory, un groupe qui s'exporte déjà. Ah bah, pour l'instant, il s'exporte pareil. Non, mais qui risque de bien s'exporter. J'espère. Enfin, en tout cas, sur lequel on va jouer à l'étranger, ça c'est sûr. Voilà. Parlons un petit peu maintenant des compositions. Est-ce que chacun, parce qu'on a bien compris que c'est un groupe pour l'instant dans ce premier album, un groupe qui a été composé à deux têtes, si je ne m'abuse. À peu près. Hein, ouais. C'est ce qu'on peut dire. Quel a été ton apport, toi, Constance ? Est-ce que c'était uniquement sur les mélodies et sur les textes ? Ou est-ce que tu as participé aussi à la composition pure des morceaux ? Bah, les deux, en fait. Les deux, mon capitaine. Donc, bien évidemment, j'ai travaillé sur les textes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand on était dans le processus de création, j'apportais aussi mes suggestions. Qui était validé ou pas, mais voilà, en tout cas c'était un réel travail de binôme, mais c'était vraiment vraiment agréable, dans le sens où on me disait pas tu dois chanter comme ça, tu dois faire ci, voilà, c'était vas-y, comment tu le sens le morceau, comment voilà. Et ça c'est vrai que jusque là on m'avait pas donné cette liberté là, et je dois dire que c'est une chance, clairement c'est une chance. Et après voilà, toutes les expériences sont bonnes, hein, donc mais en tout cas ça a été c'est une bonne école, c'est une très bonne école, voilà. Et je pense qu'il y en aura d'autres. Didier, pour toi, ça a été simple à composer, à s'adapter à la voix de Constance, Oui, enfin le fait de s'adapter, c'est pas vraiment le problème, puisque à la base, bon, moi en plus, comme tu le sais, je suis fan de voix féminine, donc c'est pas complètement un hasard si elle était là. Donc oui, non, mais par contre, ce qui était plus on veut dire plus dans la recherche, c'est de savoir oui, quel format on leur donnait, parce qu'on avait tout de suite tendance soit à rajouter des choses, à se dire justement entre ces versions qui pouvaient être très épurées ou au contraire très arrangées, de se dire bon allez, où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va, et les gens qui ont bossé avec nous, puisque bon, toutes les compos, même sur l'EP, ne sont pas que de nous deux. Il y a Christophe qui a participé sur un titre, il y a Emery qui est intervenu sur les bonus, enfin bon, il y a eu d'autres gens, et sur l'album il y a encore d'autres gens qui vont être avec nous, qui ont écrit, qui ont coécrit des choses avec Constance au niveau des textes. Enfin voilà, on a vraiment essayé d'ouvrir les choses en se disant bon, si on laisse un peu les portes ouvertes à des inspirations ou à des idées extérieures, qu'est-ce qui se passe quoi. Et nous, on a essayé de se mettre au service de ça et de synthétiser le tout quoi. Donc en donnant un peu une direction générale et donc voilà. Mais oui, donc ça a été assez simple parce que pour l'instant il y avait pas de barrière justement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un deuxième titre de Principia. Je vais te laisser le présenter, Constance. Alors, c'est Silent Signs. Et donc, en fait, pour la petite précision, les paroles sont de Sylvie Grard. Voilà. Très bien. Donc, on vous rappelle. Donc, c'est le seul titre de l'EP que je n'ai pas, composé. Voilà. Très bien. Le 24 octobre, ce sera donc chez Gilbert Joseph. C'est 34 boulevard Saint-Michel, 34-35 boulevard Saint-Michel. Métro Saint-Michel ou RER Saint-Michel, c'est à partir de quelle heure ? 18h. 18h, alors ne les ratez pas hein, parce qu'il y a une demi-heure de show, ouais. Et après le magasin il ferme, hein. Alors, attention, vous pourrez également trouver donc ce EP, vous ramenez vos stylos, hein, couleur or, couleur argent, tout ça, ils aiment bien. Faut que ça brille, faut que ça voilà, faut que ça brille, faut que ça pète. Hein. Parce que c'est quand même du métal assez classieux, on en reparlera tout à l'heure. Oh, mais c'est joliment dit. Je trouve que c'est déjà joliment présenté, une pochette bien épurée, blanche, vraiment, voilà. Bon, on en parle après, on écoute... un nouveau titre, Silent Signs, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'interview musique. We'll be right back. De retour dans les studios avec Attraction Theory. Voilà une autre, une version alternative hein, de l'album, du morceau The Eye, c'est ça? Non, Silent Sign. Ça, c'est ce qu'on entend là, oui, oui. The Eye, tout à fait. Ouais, c'est ouais. Version The Eye, mais en version alternative. Une version peut-être un peu plus ce que l'on va retrouver chez Gibert, plus acoustique. Si vous allez encore avoir autre chose. Ça va être la surprise. Ça va être encore autre chose. Donc surtout, ne ratez pas cette soirée chez Gibert Joseph. On vous le rappelle, hein, c'est le 24 octobre à partir de 18h. Donc soyez-y un petit peu avant, comme ça vous pourrez fouiller un petit peu dans les bacs. Vous pourrez peut-être discuter aussi avec il y aura peut-être des gens, des invités, des choses comme ça que vous allez pouvoir rencontrer dans ce magnifique magasin. Et vous allez saluer Monsieur JB et Philippe aussi qui ont permis qu'il y ait cette session. On va parler un petit peu de ton autre carrière, qui est enfin quelque chose qui te tient à cœur, Constance, puisque c'est une carrière d'actrice, hein, oui, tout à fait. Qui s'était un petit peu entamée. Est-ce que c'est mis de côté et on est à fond dans Attraction Theory, ou c'est quelque chose que tu pourrais faire en parallèle? On va dire que je suis à fond dans Attraction Theory parce que c'est clairement le projet actuel qui me tient à cœur et dans lequel je m'investis à 200%. Après, voilà, l'option de théâtre et de cinéma reste toujours en tête, bien évidemment. Donc oui. Enfin, en tout cas, s'il y avait une option qui se présentait, voilà, pourquoi pas. Mais très honnêtement, j'espère en tout cas qu'Attraction Theory va nous porter loin. Voilà, disons les choses clairement, et puis voilà, je pense que le reste suivra ou pas. Mais moi, je me laisse porter par les choses et par les événements, donc je me dis que voilà, les choses sont bien faites et que aujourd'hui, bah, je suis plutôt satisfaite de tout ce parcours et de toutes ces expériences, voilà. En tout cas, on te connaît depuis quand même pas mal de temps maintenant. Ça fait un petit moment, hein, ouais. On t'a vu œuvrer dans plein de groupes qui se cherchaient, même toi, tu t'es un peu cherché aussi. Bien sûr, hein. Je me suis cherché vocalement, je me suis cherché artistiquement, personnellement aussi. Enfin voilà, donc c'est un peu le concept d'Attraction Theory, en tout cas pour ma part. C'est, voilà. Et 2017, il y a la théorie, il y a l'attraction. Bon, après, je vous laisserai en faire vos propres déductions. En tout cas, ce qu'il y a, c'est cette année 2017 est quand même une belle année. Elle a bien commencé avec une naissance, une deuxième qui arrive là avec ce EP. Ouais. Et puis qui donnera suite certainement à une troisième naissance qui sera l'album. Vous avez éclos également sur scène. Enfin, il y a eu cette année 2017, j'ai l'impression qu'elle a été très très très riche pour vous déjà. Elle n'est pas encore finie. Hein. Mais je pense que ça a été très très riche. Comment est-ce que vous avez déjà pu vous retourner sur cette année-là un petit peu et de l'analyser ou pas encore? Bon, pas vraiment. Je pense qu'on prend les choses telles qu'elles se présentent. Et puis bah on est deux passionnés, donc on a la chance déjà de faire ce qu'on aime, d'essayer de s'y investir à 100%. Et voilà, maintenant c'est vrai que on va dire que c'est chargé. C'est assez chargé. Il y a quand même pas mal de choses. C'est le tempérament qu'on a, donc. C'est ça le rock aussi, tu vois. C'est voilà, c'était voilà. Peut-être le défi de se dire faut tout mener de front, mais bon, pour l'instant tout va bien, donc continuons. Alors, est-ce qu'on peut remercier quand même Constance de t'avoir sorti du studio quand même et te revoir maintenant sur scène sur ce terrain-là, oui. Hein, s'il y a un remerciement, oui, je pense que là, c'est vrai que j'étais un peu cloîtré derrière ma console à torturer des gens. S'il y a pas mal de gens qui te disaient quand est-ce que tu remontes sur scène. Bah voilà. Donc, hein Là, ça me fait tousser. En fait. Ouais, effectivement. Après, voilà, il faut aussi avoir le bon projet, avoir l'envie de refaire des choses. Là, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de choses de partage, de construire des nouveaux morceaux dans un nouveau concept, etc. Bon, donc oui. C'est comme ça, je quitte ma console. En tout cas, nous, on est contents que tu quittes ta console. On avait réussi quand même à te la faire quitter en 2000. C'était quoi, 2013, c'est ça? Pour Headline, reformation. Non, 2014. 2014, hein, c'était lors d'un PMFF. Donc on est toujours très fiers de remettre en lumière des gens, de les mettre. Bon, on sait que de toute façon, tu es présent sur pas mal de. On te croise quand même sur pas mal de concerts. On sait qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font aussi. On s'est croisé à Patomé, ce magnifique super anniversaire. Super concert, vraiment très fabuleux. Très beau moment. Est-ce que justement, ça donne des idées un petit peu d'aller voir d'autres artistes parce que là, on est quand même dans un style totalement différent avec Patomé. Est-ce que ça a ouvert des champs d'action différents ? Je pense qu'en tout cas, pour sans vouloir parler pour elle, mais que ce soit Constance ou moi, on est déjà dans d'autres styles. C'est-à-dire que bon, on est amateur de musique, pas uniquement de métal. Bon, Pat, c'est encore autre chose parce que c'est la famille, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis 20 ans ou presque. Le premier batteur Deadline a joué avec lui pendant très longtemps. Christophe aussi, il avait arrêté, après il est revenu. Là, de nouveau, il est de nouveau avec Pat. C'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Donc, c'est un ami, c'est un superbe musicien. Donc, c'est évident que là, pour fêter ses 23 ans de carrière, il fallait qu'on soit là. Donc, et puis en plus, c'était effectivement un magnifique concert. Quoi. Donc, mais bon, voilà, je dirais, avec toutes les années passant, on a heureusement croisé plein de gens qui m'en veulent pas tous, même si je les ai torturés. Et donc, du coup, on va les voir en concert. Mais il y a pas mal de gens, d'après ce que j'ai cru comprendre, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit tout à l'heure sur l'album qui sortira donc en 2018, hein, c'est bien ça ? C'est ça. Ouais, hein, tout à fait. Qui devrait apparaître, qui devrait. Des guests. Il y a des chances qu'il y ait quelques amis qui viennent. Est-ce que ce sera des guests ? Alors, on va creuser un petit peu, parce qu'on veut de l'info. On n'en dira rien. Est-ce que ce seront même des sous guests, la torture, et pourtant, il sait ce que c'est. Qui seront que métal, ou on va aller piocher un petit peu ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce qu'on n'aura que de l'instrument classique du rock, ou est-ce qu'on trouvera... Peut-être pas. regarde, tu as dit, l'EP est assez varié, donc t'as des clés là-dedans. Ouais, d'accord, très bien. Bon, vous n'en direz pas plus, hein. Non. C'est sûr, hein, certain. Ben, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec un titre qui nous avait vraiment mis les larmes un petit peu aux yeux pour moi au dernier PMFF, puisque c'était Two Friends, qui représente énormément de choses pour moi. Notamment. Alors, dis-nous ce qu'il représente pour toi. Ah bah pour moi, c'était pour le PMFF, c'était le bon moment de le jouer. Et puis moi, Michael Field, pour moi, c'est vraiment un très très très grand bonhomme parce que, comme on le voit dans Attraction Theory, c'est aussi très très très varié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un album, je trouve, qui ressemble à un autre album chez Michael Field, hormis le son des guitares, qui est toujours. Les guitares. C'est la présence de la guitare, et c'est un très très très grand monsieur aussi que j'ai eu l'occasion d'interviewer, de rencontrer. Et voilà, donc moi ça m'a vraiment touché. Et puis pour le PMFF, Two Friends, te redécouvrir sur scène avec des choses qui te correspondent vraiment aussi, Constance, ça me touche beaucoup, si c'est vraiment ce que tu as ressenti en tout cas. Et puis je l'ai ressenti aussi comme un cadeau, parce que ça a été présenté un petit peu aussi comme ça, lorsque tu as présenté t'es très content de faire le premier concert. C'était une expérience superbe, vraiment. Là, vraiment en tant que chanteuse, en tant que future maman, en tout cas, c'était extrêmement fort. Ah, c'était Et je suis ravie, vraiment, et je te le dis avec la plus grande sincérité, je suis vraiment ravie de l'avoir fait dans le cadre de ton festival, parce que tu sais que ça fait longtemps qu'on se connaît. vraiment, ça m'a touché moi aussi. Bon, donc, moi en tout cas, je vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que ça nous a touché. On va clôturer sur ces petits mots de. On va se faire plein de bisous. Je sais pas jouer de violon. Hein, sinon, c'est vrai. Sinon, t'aurais pu. Bon. En tout cas, on envoie Two Friends pour terminer et puis se retrouver donc le 24 octobre chez Gilbert Joseph, 34 boulevard Saint-Michel. À Paris, Two Friends, c'est parti. Taking a water, sailing a restless sea from a memory, a fantasy that we carry into what water, far from the island. Don't you know you're never going to get to friends? Queen of chance, what a fighter. Never going to get to friends. Got a new romance, ever biter. De retour dans les studios pour se dire au revoir, c'était Attraction Theory. Merci à vous les enfants d'être venus. Merci à toi. Et puis maintenant, on vous retrouve en acoustique. Alors on s'est dit hors antenne qu'il y aurait d'autres concerts acoustiques dans les Cultura. Oui, a priori il y a des choses qui sont en train de se monter, Cultura et Snack, donc il y a des chances qu'on nous voit ailleurs en France là, dans les prochains mois. Ouais. Ne ratez pas la date de sortie en release party, c'est le 24 octobre. Par contre, ça sortira réellement officiellement dans tous les magasins. Vers le 3 novembre. Le maxi s'appelle Principia. Il contient 6 titres, comme on vous l'a dit. Et on vous laissera le découvrir pour sa partie acoustique live. Le 24 chez Gilbert Joseph. Nous allons nous quitter avec Raspy Junker que vous entendez en fond sonore, car ils seront en concert le 26 octobre à Paris avec Hypnotic Drive. Ne les ratez pas, c'est un grand savant mélange entre Metallica et Alice in Chains. C'est pas mal foutu du tout, c'est leur premier album, c'est du power metal. Et on vous les représentera certainement la semaine prochaine. Ça sort chez M&O Music le 27 octobre. Voilà, et bien on se quitte sur ces mots. La semaine prochaine, on recevra Florence Bucken, qui est une musicothérapeute. Et on parlera également du concert hommage aux victimes du Bataclan, qui aura lieu le 11 novembre. Mon cher Tom, à la semaine prochaine. Ouais, salut, on se casse, parce que c'est pressé là. Non, c'était rock. C'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show. À la semaine prochaine, bye bye. Bye bye.